Fréquence Caraïbe, la radio qui ambiance vos vacances. À Bellefontaine, Casse-Pilote, Schellcher, Fort-de-France, tu écoutes RFC sur 106.6. RFC. RFC. Je ne te veux pas juste pour la nuit, je te veux aujourd'hui et toute la vie. Pardonne-moi si je suis impoli, je te veux dans mes bras, oui, jour et nuit. Il est temps que je te dise que je ressens pour toi. J'ai du mal à vivre quand t'es loin de moi, j'ai du mal à vivre. Je te veux, dis-moi oui. Tu seras plus jamais seul, jamais seul. Plus jamais seul. Tu seras plus jamais seul, plus jamais seul. Moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Car c'est toi le capitaine, y'a que de l'amour dans mes veines. Je quitte le navire si t'es plus là. Dans mon cœur c'est toi le capitaine, y'a que de l'amour dans mes veines. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Tu es à moi, donne-moi tous tes secrets. De mon cœur, je te donnerai les clés. Pourquoi attendre lorsque l'on sait où on veut aller? Mon cœur t'appelle, alors réponds-moi. Tu seras plus jamais seul, plus jamais seul. Tu seras plus jamais seul. Plus jamais seul. Moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Car c'est toi le capitaine, y'a que de l'amour dans mes veines. Je quitte le navire si t'es plus là. Mon cœur, c'est toi le capitaine, y'a que de l'amour dans mes veines. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Plus jamais seul. Casse-Pilote, Schellcher, Fort-de-France. Tu écoutes RFC sur 106.6. Girl, come my way, no matter what time of day. Manual of in on the night, yeah. Stick the rubber dub under the bedroom light, yeah. She crawl up in my arms like a spider. Body fit in a difficulty where she insider. Don't mean to use her to me bunny energizer. Loving in abundance, she get cast minimizer. She starts sing a phrase like the phantom synthesizer. I go the man in my arms, me squeeze her tighter. I wanna give yourself sweet love. later on the night shift. Oh, baby, come hold me tight. I'll treat you right, yeah. On the night shift, shift, shift. Sun gone in, star come out. Moonlight a shine right through your house. Light the candles, me girl, move the coats. Tonight me want hear when you say ooh I'm out. Knock off your phone, no make nobody call you. Busy signal, me nah go biggie smile you. Baby, we make it love, let it flow, because me nah go stop. I wanna give you some sweet love, on the night shift. Later on the night shift. Oh, baby, come hold me tight. I'll treat you right, yeah. On the night shift, shift, shift. Baby, I wanna give you some sweet love, sweet love. On the night shift. Later on the night shift. Oh, baby, come hold me tight. Man, while loving in the night, yeah. Strictly rubber dub and on the bedroom light, yeah. She crawl up in me arms like a spider. Body fits in a difficulty where she inside her. Don't me introduce her to me bunny energizer. Loving in abundance, she get as minimizer. She starts singing phrase like the phantom synthesizer. I go the man in me arms, me squeeze her tighter. I wanna give you some sweet love, sweet love. On the night shift, later on the night shift. Oh, baby, come hold me tight. I'll treat you right, yeah. On the night shift, shift, shift. Be happy. I wanna give you some sweet love, sweet love. On the night shift, later on the night shift. Oh, baby, come hold me tight. Fréquence Caraïbe. Week-end.